Alors pour rester plus ou moins dans le thème avec World of Warcraft et Cataclysme, donc Circle, tu comptes nous parler d'Eldemort, Deathwing, Ouais, c'est ça? exactement. Alors, il y a quand même eu pas mal d'émotions ces derniers temps, depuis la BlizzCon en fait. Et on y était d'ailleurs, Ludo et moi, sur Skype comme des fous, à attendre les nouvelles annonces via Judge Hype. Voilà, on fait sur la page toutes les 2 secondes de fini. Voilà. Et en fait, il y a eu donc l'annonce cataclysmique de la future extension. S'en est suivi sur le site l'ajout de la page Cataclysme, donc avec une magnifique vidéo qui nous a foutu les frissons, si je puis me permettre. C'est clair. Et en fait, voilà, là, on a vu une phrase mythique de la fin de vidéo, c'est Eldemort est revenu. Et voilà. Et donc, j'ai jugé bon de faire une petite partie histoire sur Eldemort, le futur personnage principal de l'extension à venir. Donc, alors, son vrai nom, on va remonter en arrière, on va remonter plus de 10 000 ans en arrière déjà. Son nom de jeune fille. C'est un nom de jeune fille, voilà. Son vrai nom, c'est Neltharion, dit le gardien de la Terre. Donc, il fut l'un des grands aspects dragons. Tout à fait. Et je vais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez les quatre autres grands aspects dragons? Oui. Donc, Ludo? Alors, Alexstrasza, Oui. Maligos, Oui. Isera, Oui. bon, Neltharion. Oui. Il y en a combien? 4 ou 5? Il y en a 5. 5. Ah oui, et Nosdormu, ou Nosdormu. Ouais, Nosdormu. Voilà, c'est juste. Alors, les quatre autres grands aspects, hormis Neltharion, donc Nosdormu, comme tu disais, donc c'est l'aspect du temps. On le retrouve, on avait une réputation auprès de sa progéniture pré-baissée, à monter. Il est au grotte du temps. Alors, il y a Alexstrasza, dite la lieuse de vie, qu'on a pu apercevoir récemment dans l'extension Wrath of the Lich King, dans la Désolation des Dragons. Autant sous sa forme draconique, c'est-à-dire après la défaite de Bolvar contre le roi Lich avec les apothicaires, etc. On la voit ensuite qui se tient face à la porte de la citadelle de glace. Elle est très impressionnante. Il y a Ysera, donc littéralement le rêveur. La Donc, rêveuse même. voilà, rêveuse. C'est une? Oui, c'est une Oui. femelle. D'accord. Ok. Donc Maligos. Maligos, on a pu le voir et lui casser la figure. Dans l'instance de Maligos, quoi, Maligos 25, Maligos 10. Donc, chacun de ces grands aspects, inclus Neltharion, ont été bénis par les Titans. Donc, ils ont été choisis donc pour protéger toute forme de vie sur Terre, etc. Pour en revenir donc à Neltharion, il a été béni par Khazgoroth, un des Titans du Panthéon. Alors, faut savoir qu'il n'a pas toujours été méchant et démoniaque au départ. Et en temps de paix, c'était même un dragon respecté et apprécié. Il vivait avec sa compagne Cintaria, avec laquelle ils ont eu 2 enfants. Donc, je pense que ça, vous savez quels sont ces 2 enfants. Ah oui, ses 2 enfants, Onyxia et son fils qui est le boss de l'aile du repaire de l'aile noire. Alors lui c'est Neltharion, l'autre c'est Nefarian. Nepharian. Voilà, GG Je suis Amandine. trop forte! Bang! Donc en fait on ne sait pas pourquoi à la base il a commencé à sombrer un peu à peu dans la folie. On ne sait pas vraiment l'origine du départ de son errance. Morale. Donc, ce qui causa les changements irréversibles, ce fut la création de l'âme des dragons. C'est un objet d'une puissance, on va dire, incommensurable, créé à l'origine pour combattre la Légion Ardente. Neltharion voulait l'utiliser pour contrôler les quatre autres grands aspects dragons et pour devenir un dieu sur Terre. Mais comme dans toutes les histoires de méchants, il fut manipulé par les dieux anciens. Je vous le donne en mille, deux noms que vous connaissez de nouveau, je vais me référer à vous. Donc Amandine ou Ludo, connaissez ces deux dieux anciens qu'on a ou affrontés ou qu'on connaît en tout cas. Yogg-Saron, voilà. Et Voilà. Ktoon, Voilà. aussi, non? Et bon, Ch'toun ou Setoun ou Ktoun, suivant ce que les gens disent, donc était le boss d'Ankh-Daraash 40. Donc les bon pour la petite histoire, c'est deux dieux emprisonnés par les titans qui sont dont on voit juste le haut en fait, le haut de la tête, hein. Donc ces dieux-ci voulaient se servir de lui afin d'être libérés de leur emprisonnement par les titans et lui promirent un pouvoir immense comme d'habitude. Et bien sûr Neltharion, s'est fait avoir quoi à la base. Donc Neltharion créa l'artefact l'âme des dragons et il rendit visite aux autres grands aspects afin que ces quatre grands aspects prêtent leur pouvoir à l'artefact pour le rendre puissant et combattre la Légion. Le premier à aller l'aider fut Maligos avec tout son vol bleu. Ils se rendirent à Zin Ashari, l'ancienne capitale elfique où un combat contre la Légion faisait rage. Tous ceux croyaient sauvés en voyant des centaines de dragons arriver. Pour situer un peu de façon imagée, le ciel se couvrit de dragons. Et le problème, c'est en fait que Neltharion a lancé une seule attaque avec l'âme des dragons. Et il a tout détruit la Légion. Le petit problème, c'est que Neltharion, dans son attaque, a également détruit l'Alliance des Elfes avec. Donc, en fait, il a tout pété dans la région, quoi. Donc, au travers de ça, Neltharion révéla enfin sa traîtrise. Et en fait, parce que lui n'avait pas donné son pouvoir à l'artefact, ce qui en faisait le seul capable de l'utiliser. Les autres dragons, bien sûr, ont voulu l'arrêter. Maligos et tout son vol bleu ont encerclé Neltharion. Neltharion a lancé une seule attaque, de nouveau avec l'âme des dragons, tuant quasiment tout le vol bleu. Puis il lança une deuxième attaque, ce qui paralysa tous les grands aspects, c'est-à-dire Nosdormu, Alexstrasza, Maligos, Isera. Et en fait, il les projeta tous au loin, on va dire. Les quatre grands aspects, pour éviter de se faire tuer, ce qui n'aurait pas été bien du tout, scellèrent leur âme, histoire de rester cachés. Même les uns des autres, en fait, plus personne ne pouvait les trouver à ce moment-là. Neltharion voulait bien sûr contrôler le monde, tout dévaster, se mettre bien dans une position de dieu sur terre et faire comprendre à tout le monde qu'il était le chef, quoi. À ce moment-là, il avait succombé à la tentation des dieux anciens. Donc Neltharion n'existait plus et Eldemort le destructeur était né. Dans la foulée, l'âme des dragons a été renommée l'âme des démons. Donc, Eldemort ayant été, bien entendu, manipulé par les dieux anciens, et pourquoi ils lui ont fait faire ça? Simplement pour créer un objet assez puissant pour amener sur Terre le titan démoniaque Sargeras, ce qui permettrait à ces dieux-là d'être libérés de leur prison terrestre. Mais pas de chance pour eux, parce que un petit elfe, du nom de Malfurion Hurlerage, vola l'artefact avec l'aide, bien entendu, des autres aspects, afin de le cacher. Les quatre aspects dragons scellèrent l'objet afin qu'Eldemort ne puisse plus l'utiliser, et bien sûr qu'il ne sache pas où le trouver. Et bien entendu, Eldemort, il était un peu fâché, hein, il a un peu tout cassé, il a profité en fait de l'implosion du puits d'éternité pour en rajouter une couche, ce qui a passablement modifié certains endroits d'Azeroth, Kalimdor. Voilà. C'est certains endroits, pour pas dire tous les endroits, quoi. Ouais, bon, bien sûr. Le gigantesque cataclysme, quoi, l'implosion du puits d'éternité. Voilà. Donc, ça, c'était il y a 10 000 ans. Maintenant, on va revenir à peu près, il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, donc 10 000 ans plus tard. Lors de la Seconde Guerre, il essaya de se battre un petit peu contre les mages de Dalaran, qui lui cassèrent la figure. Mais tout le monde pensait qu'il était mort, car d'après l'histoire, il est tombé dans la mer et a disparu. Mais bien entendu, il n'est pas mort. Bien intelligent qu'il est, il s'est transformé en humain. Et il revint sous le nom de Lord Daval Prestor. Donc Prestor, ça vous dit quelque chose, hein. On va y revenir après. Dame Prestor. Voilà, Prestor. Afin de s'infiltrer dans l'Alliance en revendiquant le titre de roi d'Alterac. Et grâce à son pouvoir de contrôle mental, il gagna l'admiration et la confiance de familles importantes, comme les Ménéthil, donc via Terenas, père de Arthas, les Proudmoore, ainsi que Jane Greyman de Gilneas. Vous savez, la ville où il y a des gens qui se transforment en Worgen dans la future extension, dans la petite vidéo. En fait, tout ça, donc, c'est une infiltration donc, dans l'Alliance, en fait, pour se cacher, mais en même temps en profiter pour donc avoir une position assez importante pour connaître un petit peu les plans de l'Alliance. Et il en profita donc pour tenter de s'établir en Draenor, en aidant la Horde parallèlement, afin de renouveler son vol noir. Ben, aux dernières nouvelles, en fait, il aurait fui en fait en Outre-Terre. Oui. Et donc il aurait traversé le portail. Peu de temps avant, je crois, avant l'expédition qui était partie pendant la deuxième guerre, donc qui contenait Aleria, il y avait Trollban aussi, je crois, et d'autres personnes. C'est ce qu'on voit dans Warcraft 2, l'extension, c'est Beyond the Dark Portal. Et aux dernières nouvelles, en fait, c'était que le repère de la mort se trouverait à l'est de la péninsule des Flammes Infernales. Alors pour nous on le voit pas sur la carte, mais a priori il se situerait à ce niveau là. Donc en fait il essaya en fait d'aller se poser là-bas, de créer un repère, d'y mettre des œufs et donc d'un petit peu de se revivifier. Mais bien entendu, l'Alliance attaqua et encore lui péta la figure. Mais encore une fois, il n'est pas mort et il revint sous l'aspect humain de Lord Prestor. Bien sûr, personne n'avait capté la supercherie, donc il put continuer gentiment ses plans démoniaques. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette seconde guerre, il a tout d'un coup, on ne sait pas tout à fait comment, su où se trouvait l'âme des dragons, là où elle était cachée. Et il met un plan en marche, c'est-à-dire de se servir d'un clan orc, qu'on connaît, les gueules de dragons, pour chercher donc l'artefact. Il envoya un gobelin du nom de Krill afin de contrôler mentalement les chefs du clan, dont un certain Zuluhed le Fourbu, qu'on a affronté, enfin ceux qui ont fait les quêtes pour le Drake du Néant à Ambrelune ont dû l'affronter. Ouais, c'est une des premières quêtes justement, je crois que tu dois le tuer. En fait, c'est la quête finale pour pouvoir. Qu'on peut faire sans avoir le vol, la monte 300, si je me souviens bien. C'est pas la quête finale pour être amico avec eux, justement? Non, neutre. Avec la réputation. Neutre. C'est pour être neutre. Ouais. Voilà. Donc voilà, le clan Gueule de Dragon utilisa l'âme des dragons pour capturer Alexstrasza et son conjoint, et les forcèrent à se reproduire. Ah oui, son vieux consort qui était tout gros, en fait. Dans le livre, c'est comme ça, il te dit c'est une grosse masse, il sert plus à rien, tu sais, il a même plus de force pour rien, tu sais. Donc, cela faisant, il pouvait quand même pas approcher donc Alexstrasza. Donc, il contrôla un mage puissant et rebelle du Kirin Tor, le mage Ronin, et s'en servit pour essayer de capturer Alexstrasza. La capturer ou la tuer. Mais surtout, pour attraper ses œufs et créer ainsi un nouveau vol noir. Donc, en fait, tout ce qu'il veut faire, lui, c'est recréer son vol noir avec ses petits dragons et tout, etc., pour de nouveau contrôler le monde. Mais un amant de la reine dragon, Alexstrasza, du nom de Corial Straz, vous m'excuserez, mais les noms des dragons, franchement, ils n'auraient pas pu trouver plus simple, quoi. Donc, de toute façon, les dragons rouges, ça finit en Z. Voilà. Donc, un dragon rouge du nom de Corial Straz contrôlait aussi le mage Ronin afin de libérer sa petite copine. Et donc, Eldemort a essayé de faire organiser un transfert d'Alexstrasza et de son conjoint en faisant croire que l'Alliance allait attaquer le clan des Gueules de Dragon afin qu'Alexstrasza soit plus vulnérable lors du transport et moins protégé. Et donc, il tenta d'attaquer lors du transfert de la Reine Dragon, mais Ronin, le mage, trouva le moyen de détruire l'âme des démons qui était celui de... Non, je crois qu'il n'y a que lui qui peut. De toute façon, les dragons ne peuvent pas la détruire. Il n'y avait qu'un humain assez puissant qui puisse le faire, si je me souviens bien. Et je crois qu'il lance un sort dessus, ou je ne sais plus exactement ce qu'il fait. Et en fait, il l'utilise. Et il lui fait un bisou. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça aurait été bien, ça aurait été vachement plus poétique, mais non, c'est pas ça. Ouais, c'est en pas fait, le World of Bisounours, ça. En fait, d'après ce qui est dit, c'est que Ronin utilise une écaille de Neltharion, donc de Eldemort. C'est vrai, il utilise une de ses écailles, ouais, exact. Voilà, donc il utilise une écaille pour détruire l'objet. Il y arrive, il détruit l'objet. Ce qui s'ensuit, c'est que le pouvoir qui a été donnée à cet objet par les quatre grands aspects dragons il y a 10 000 ans leur est rendue. Donc, bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toute leur puissance, ils sont pas contents. Eh ben, ils partent à la poursuite de Neltharion, dit Eldemort, qui est obligé d'aller se cacher. Donc, il y arrive et on en entend quasiment plus parler. Le fait, c'est qu'il pouvait plus se déguiser en lord d'Aval Prestor. Et donc toute son emprise sur les nobles de l'Alliance qu'il avait auparavant, elle a disparu. Les seuls, d'après ce qu'on sait, les seuls qui ont découvert la supercherie, c'était donc Crassus, qu'on connaît bien de nom, qui était en fait la forme mortelle de Corial Straz, du vol draconique rouge. Et on pense que Alex Straza aussi était au courant, vu que c'était un petit peu... Son amant. Depuis, après ça, donc sa fille Onyxia essaya de reprendre le flambeau en se faisant passer pour Dame Catrana Prestor, donc en reprenant le nom Prestor à Hurlevent, sans grand succès, puisque ça fait un petit moment qu'on va lui casser la figure. Ouais, mais bon, ils sont un peu cons quand même dans l'Alliance. Hein. Ils connaissaient... Quoi qu'ils ne savaient pas à l'époque, Neltharion c'était Prestor. Non, ils l'ont jamais su. Non, en fait, ouais. Eux ils l'ont jamais su. Il y a que Crassus et Alex Straza, visiblement, qui l'ont su. D'accord. Bon, le truc, c'est qu'en fait, les mages du Kirin Tor se doutaient, Ronin aussi, se doutaient qu'il avait pris forme humaine, mais ils ne savaient pas qui il était. En fait, ils ne savaient pas que c'était Prestor. Sinon, je pense que Nixia n'aurait pas fait long feu. Hein. Et puis, bon, Nefarian, comme on le sait, donc, a essayé, en guillemets, de prendre le contrôle du Picroche Noir, donc en créant son repère là-bas, essayer de prendre le contrôle des sous-sols du Picroche Noir en essayant aussi de tuer Ragnaros, pour ensuite contrôler le monde, sans grand succès non plus, puisqu'on est allé lui casser la figure très baissé. D'après ce qui est dit, là, il serait en fait en train de se cacher à Grimbatol. Donc, et en fait, il est en train d'essayer donc de créer des dragons crépusculaires, projet qui avait justement été initié par son ancienne petite copine Cintaria, qui n'est plus avec lui, d'après ce que j'ai bien compris. Mais c'est un petit peu mal expliqué, on va dire, parce qu'on ne sait pas vraiment où il se cache. Ils savent pas qu'il est là-bas pour l'instant. Et justement, les drakes du néant, c'est des drakes noirs. En fait, il disait que Neltharion donc, est passé avant l'expédition donc, à Azerothian pendant la Deuxième Guerre, avant Beyond the Dark Portal. Donc, il est allé en Outre-Terre. Il avait quelques œufs, en fait. Donc, il a essayé il avait quelques œufs, en fait, du vol noir. Et quand, justement, Gul'dan et Medivh ont ouvert les... Enfin, je crois que c'est quand Gul'dan a essayé d'ouvrir plusieurs portails, en fait, sur Draenor, qui a conduit à sa destruction... En fait, les œufs donc du vol nord ont été perturbés, enfin ont été atteints. Ouais, voilà, ils ont été irradiés en fait par les ondes du néant distordu et tout ça en fait de ce qu'était en train de faire Gul'dan. Et justement, ils sont devenus des dragons du néant. C'est comme ça en fait, moi que je l'ai compris, qu'ils disaient en fait les œufs. Voilà, ils ont été altérés en fait par les ondes que dégageait en fait Gul'dan et par la destruction de Draenor. Ils parlaient pas du tout de crépuscule en fait encore à l'époque. Et justement, suite à ça, il y a pas d'infos sur ce qui est devenu Neltharion en fait. De ce qu'on dit donc dans la Nuit des Dragons, que l'endroit où il se cache, on ne sait pas du tout. Et en fait, Corial Straz pense qu'il a été complètement détruit à ce moment-là. Mais bon, Eldemort, il est toujours en train de se cacher dans Green Battle. C'est ce qu'ils disent. Là où il y a eu la guerre des nains, en fait. Voilà, et en fait, il essaye en fait, de faire ces expérimentations sur des dragons crépusculaires créés par, comme je t'ai dit, sa copine, son ex, Cintari. Ah, donc il est toujours en Grim Battle en train de faire ses horribles expériences. Voilà. Il serait là-bas. Et en fait, oui. Si on regarde la nouvelle map, la future map de l'extension, il y a justement là où il y avait Grim Battle, d'après ce que je comprends, son nouveau repère. D'accord. Parce qu'actuellement, quand on y passe, il y a juste des dragons du vol rouge, je crois. Ouais. C'est genre dragon rouge et c'est fermé, en fait, Grim Battle. Bon, d'ailleurs, c'est sympa parce qu'on a une très belle vue sur la cascade du Loch Modan. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, en fait, il serait en Grim Battle et ce qui deviendra, je pense, donc, dans l'extension, son... son futur repère. Voilà. Dans l'extension, d'après ce que j'ai lu ce matin, ils vont refaire une sorte de... Il va revenir en fait au pic de Roche Noire. Ouais. C'est où je crois que c'est Tiven qui l'a posté. J'ai lu. Il va revenir au pic de Roche Noire et en fait il va reprendre ses quartiers, donc BWL qui va être refait, je crois. Et nouveau design, nouveau monstre, nouveau tout en fait. Mais ils disent les Twilight Highlands, ça veut dire les hautes terres crépusculaires. Littéralement traduit, ce serait la nouvelle zone en fait. Ok. Ce serait ça. Bah si, sinon c'est vrai que si vous intéressez à l'histoire de Neltharion, elle de la mort, enfin qui soit quoi, bon, bref, quel que soit son pseudo, vous avez, c'est vrai que les livres en fait écrits par Richard Hacknack, donc Le Jour du Dragon, qui raconte comment en fait Neltharion et Crassus vont utiliser Ronin en fait pour retrouver l'âme du dragon ou l'âme du démon. Et donc c'est le premier livre, et les livres 4, 5, 6, c'est la guerre des anciens, justement, là ils vont parler des anciens dragons, et de la guerre, enfin il y a 10 000 ans, de la guerre, la guerre des anciens, les elfes contre Sargeras, et là on voit tous les dragons, et on voit comment Neltharion tombe dans la folie petit à petit, et crée l'âme du démon, et comment il corrompt en fait en quelque sorte les autres aspects. Voilà. Mais il y a aussi le fait que c'est comme on le voit maintenant, donc il y a des superbes artworks qui ont été faits et mis en ligne depuis la BlizzCon. Franchement, je trouve que c'est dans les plus beaux artworks que j'ai vu depuis le début de WoW, hein, pour moi. Il y a notamment un fond d'écran justement où on voit Neltharion en haut de Gilneas, je crois, enfin en haut d'une ville, je sais pas c'est quelle ville, magnifique, vraiment vraiment très beau. Celui-là en fond d'écran, il en jette bien. Avec Neltharion, ça va tout péter. Ouais, avec Neltharion, c'est que du bon. Mais vous pensiez que j'allais me laisser abattre par une poignée de mortels tels que vous? Je suis le grand Eldemort, et bientôt je règnerai sans pitié sur ce monde.